Chevalier, moi, non merci. Ça, c'est une lettre qu'a envoyée Wilfried Lupano au ministère de la Culture, à Franck Riester, le lundi 20 mai 2019. Et j'ai le plaisir de vous la lire. Monsieur le ministre, à ma très grande surprise, vous m'avez adressé la semaine dernière un courrier pour m'annoncer que vous me décerniez le grade de chevalier des arts et lettres. Je vous remercie de cette délicate attention, mais j'ai bien peur de devoir refuser cet honneur. Déjà, spontanément, j'ai jamais été très excitée par les médailles. Pierre Desproges disait, les décorations, c'est la libido des vieux. Je me plais à penser que je n'en suis pas encore là. Il y a cependant des distinctions plus réjouissantes que d'autres, et celle-ci à l'inconvénient, monsieur le ministre, d'être remise par un représentant politique. Or, comment accepter la moindre distinction de la part d'un gouvernement qui, en tout point, me fait honte? Car oui, il s'agit bien de honte. J'ai honte de ce que votre gouvernement fait des services publics, au nom du refus dogmatique de faire payer aux grandes entreprises et aux plus grosses fortunes les impôts dont elles devraient s'acquitter. Il n'y a pas d'argent magique, martèle votre leader. Il y a en revanche un argent légal que M. Macron refuse d'aller chercher pour ne pas déplaire à ceux qui ont financé sa campagne. J'ai honte lorsque j'entends M. Castaner s'indigner que l'on puisse s'attaquer à un hôpital comme il l'a fait récemment, alors que c'est bien votre gouvernement qui fait le plus de mal aux services de santé, et pas trois gilets jaunes qui cherchent à se mettre à l'abri au mauvais endroit. J'ai honte de ce gouvernement qui, en supprimant l'ISF, a divisé par deux les ressources des associations qui prennent à leur charge les plus faibles, les plus démunis, les laissés pour compte à la place de l'État. J'ai honte lorsque votre gouvernement refuse d'accueillir l'Aquarius et ses 160 réfugiés qui demandent de l'aide. Et encore plus honte lorsque M. Castaner, encore lui, accuse les ONG qui tentent par tous les moyens de sauver des vies d'être complices des passeurs. J'ai honte lorsque je vois la police escorter les militants de Génération Identitaire après leur coup de com' au col de Briançon, pour les protéger contre les militants favorables à l'accueil des réfugiés. Certains de ces derniers furent d'ailleurs interpellés, alors que tous les membres de Génération Identitaire sont rentrés chez eux fêter leur coup de publicité. J'ai honte de votre politique indigne d'accueil des migrants, et en particulier des mineurs isolés. Le gouvernement auquel vous appartenez a accéléré le rythme des expulsions, voté l'allongement à 90 jours de la période de rétention pour les étrangers en situation irrégulière. De la prison, donc, pour des personnes n'ayant commis aucun crime, hommes, femmes, enfants, nouveau-nés. Pendant ce temps, des préfets, plusieurs fois condamnés pour non-respect du droit d'asile, sont maintenus en poste. Pour de sordides calculs électoraux, le gouvernement auquel vous appartenez foule aux pieds tous les principes philosophiques et moraux qui sont à la base de la Constitution et de l'histoire de ce pays, et passe à côté du sens de l'histoire. Soyez certain que l'histoire s'en souviendra. J'ai honte de l'incapacité de ce gouvernement à prendre en compte l'urgence écologique, qui devrait pourtant être le seul sujet à vous préoccuper vraiment. En dehors des faits d'annonce, rien dans les mesures prises depuis 2 ans n'est à la hauteur des enjeux de notre époque, ni sur la sortie des énergies fossiles, ni sur le développement du bio, des énergies renouvelables ou la condition animale. Votre gouvernement reste le loyal service après-vente des lobbies, de l'industrie agroalimentaire, des laboratoires, des marchands d'armes. J'ai honte, monsieur le ministre, de ce gouvernement mal élu, le plus mal de l'histoire de la Ve République, qui ne tient plus que par sa police ultra-violente. J'ai honte de voir depuis des mois partout en France éclater des yeux, exploser des mains ou des visages sous les coups de la police. De Notre-Dame-des-Landes aux Champs-Élysées, à Toulouse, Biarritz, Nantes, le monde entier s'alarme de la dérive sécuritaire de votre gouvernement, de l'utilisation abusive d'armes de guerre dans le maintien de l'ordre. Mais vous, vous trouvez que tout va bien. Je pense à Maxime Peugeot, 21 ans, et à sa main arrachée par une grenade dans un champ de Notre-Dame-des-Landes. Je rajouterai que c'était le 22 mai 2018. Qu'est-ce qui pouvait bien menacer à ce point la sécurité de la France dans ce champ à vaches du bocage breton pour qu'on en arrive à faire usage d'une telle violence? 2500 gendarmes, une opération de guerre de plusieurs millions d'euros menée pour détruire une trentaine de cabanes en bois. Il n'y a pas d'argent magique. Et procéder à une dizaine d'expulsions. Je pense à Lola Villabriga, de 19 ans, défigurée à Biarritz par un tir de LBD que rien ne justifiait et qui vit désormais avec deux plaques d'acier dans la mâchoire alors que c'était sa première manifestation. Je cite deux noms, mais vous le savez sûrement, ils sont aujourd'hui des centaines. Suivez le travail de David Dufresne si le sujet vous intéresse. Comme vous le voyez, nous avons peu de points communs politiquement. Et dans le monde des distinctions culturelles, dans un monde où les distinctions culturelles seraient remises par le milieu culturel lui-même, sans intervention du politique, j'aurais accepté celle-ci avec honneur et plaisir. Mais il n'y a pas de geste politique qui ne soit aussi symbolique. Et je sais déjà que si un jour j'atteins l'âge avancé où l'on prend son pied à exhiber ses breloques, j'aurai bien peu de plaisir à me rappeler que celle-ci me fut remise par un représentant d'un gouvernement dont j'aurais si ardemment souhaité la chute et la disgrâce. Passons malgré tout une bonne journée. Wilfried Lupano. Et merci à lui d'avoir écrit une telle lettre.